Il y a parfois des jours où j'ai oublié que tu étais là. Ce n'est pas par manque d'amour, mais il faut que tu me crois. Sans toi, mon enfance a été dure, mais pas des plus impures. Ça, je dois l'avouer que je n'ai rien à regretter. J'ai 5 ans quand tu pars et le frangin en a que 2. À cet âge-là, tu ne sais pas qu'être malheureux, c'est la mère qui part, c'est l'amour qui se perd. Ce n'est pas du hasard si j'ai grandi avec le père, car il n'était pas pour toi, mais tu l'étais pour moi. De te perdre, j'ai eu peur, une blessure sur le cœur. La guérison est dure et pour nous, ça a été tard. Un futur bien obscur, une nouvelle vie qui redémarre. Je suis marqué à vie par un monde qui me démange. Malgré tout ça, tant pis, tu restes à tout jamais mon ange. Je ne t'en veux pas de ma vie déchirante, même si le temps et l'amour sont deux choses qui me manquent. Le père et la mère sont deux moitiés indispensables. Tu enlèves un des deux, ça devient tout de suite instable. Ne me dis jamais que ta mère est détestable. Tu as de la chance d'avoir une vie à peu près stable. Je t'ai défendu de leur accusation brutale. Ils n'ont aucune idée de la tristesse qui t'emballe. J'ai toujours voulu savoir pourquoi tu es parti, pourquoi ta vie tu la prenais avec tant de mépris. Tu m'as donné les causes, les raisons où tu me laisses, mais au final, je suis seul et je le reste. Tu es parti dans ton monde, ta bulle et ton île. Pour moi la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Malgré tout ça maman, je t'aimerai toujours. Mon amour est pour toi car je pense être fait pour. Une vie de troubadour, c'est ce que me dit mon cœur. Toujours en train de bouger, voyager jamais à l'heure. Loin d'être affectif, je le dois à mon enfance. La chance n'est pas de la partie, entre les pleurs je danse. Tu comprends maintenant que je sois parfois brutal. Après c'est visible, ce qui crée quelques scandales. Je suis loin d'être méchant et je souris souvent, mais je ferme les yeux quand je repense au temps où elle était là et s'occupait de moi. Je la voyais et n'obéissait qu'à une seule loi. Tu ne sais pas à quel point je l'aime, et malgré tout ça, je dois dire qu'elle m'émerveille. Je sais que c'est rare que j'arrive à me confier. Je le fais en écrivant, c'est la seule que je puisse combler. En conclusion, je dois dire que c'est ma raison d'être. Grâce à elle, peut-être que je suis mon seul maître. Je l'aime du fond du cœur, le dire je n'ai pas peur. Elle a laissé plein de joie et aussi quelques douleurs. Grandir sans maman n'est pas des plus faciles. La vie est différente et bien plus difficile. Estime-toi heureux d'avoir une mère à embrasser. Tu n'as aucune idée de la douleur que ça crée. Vous ne savez pas la chance que vous avez. C'est une richesse avec un cœur sans mytho et monnaie. Montre-lui que tu l'aimes car elle t'a donné la vie. Sans elle, tu ne lirais pas tous mes écrits.